J'y est allé. J'ai travaillé avec Bernard Labelle. C'est un pas un carburateur, mais c'est une patente électronique que Labelle voulait faire à Saint-Charles. Labelle, c'était un froid. Lui, c'était un chaud. Ils ont travaillé ensemble. C'était parfait. Parce que son titre, quoi? Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste aussi. Tant que c'est pas ici. Faut que ce soit compris ici. Moi, j'ai un de mes chums, c'était un chaud, puis sa femme, c'était une froide. C'était un chaud, c'était une froide. Puis éventuellement, ils ont été obligés de se séparer. Parce que c'est elle qui voulait porter les culottes. Parce que lui, c'était un chaud, puis elle, c'était froide. C'est elle qui portait les culottes. Puis la femme de carrière, peut-être là, lui, c'était un petit tuto. Et quand il est arrivé ici, ça ne pouvait plus marcher, puis elle, comme elle n'est pas montée ici. Là, il s'est trouvé une autre froide, mais elle, l'autre froide, est ici, fait que ça entend bien. Mais la même polarité. Mais ce que tu dis, c'est vrai, mais ce qu'il dit, lui aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Ma femme, c'est une chaude. Moi, je suis un froid. Non, je suis pas un froid. Des fois, c'est une froide. Ah, ça, c'est intéressant, ma femme. Des fois, elle est froide, des fois, elle est chaude. Moi, des fois, je suis froid, des fois, je suis chaud. Mais quand elle est froide, moi, je suis chaud. Puis quand moi, je suis chaud, quand moi, je suis froid, elle est chaude. Sans ça, si on est à toi deux fois, toi deux chauds. Ben, on l'est des fois, mais c'est ça. C'est pas ça que je voulais dire. Mais ici, ça, ça nie tout, c'est ici. Fait que si moi, je suis frette, puis elle est frette, bon, on s'entend pareil. Mais on se fait prendre dans les personnalités, dans le jeu de personnalité. C'est pour ça que je disais tout le temps, comprenez donc que dans un couple, l'intelligence se servira de la froideur ou du chaud, ou de la polarité du couple, pour vous amener à l'intelligence. Toi, t'es un exemple avec ton mari. Toi, t'es une froide, puis lui, c'est un chaud. Le principe actif, c'est toi, puis le principe passif, c'est lui. Mais quand vous êtes dans votre intelligence, c'est bon que ce soit le même. Vous bénéficiez de ça, lui bénéficie de toi, puis toi tu bénéficies de lui. Mais si vous n'étiez pas dans l'intelligence, c'est là que les problèmes viennent. Pour le bénéfice de ceux qui écouteront la cassette, quand tu fais un signe de la main, eux autres, ils verront. Ils peuvent se l'imaginer. Ça, je dis tout le temps, faites pas prendre dans le jeu des personnalités. L'intelligence se sert de vos personnalités pour vous amener à l'intelligence, puis ensuite vos personnalités, qu'elles soient un ou l'autre, ça ne fait pas prendre. C'est une intégration totale. Puis tu regardes les couples, c'est du froid et chaud, elle, c'est chaud. Ben, au but, c'est froid. Ben, l'or, la belle, sa femme, c'est la même chose. Regarde la mère enfant et son mari. Même chose. Froid et chaud. Ouais, son chum. Son ami. Froid et chaud. Mais quand t'es type, il n'y a plus de différence. Ces deux-là, en arrière, c'est des amitiés. Froid et chaud. Elle est froide, elle est chaude. Entre les couples, ça se passe entre les hommes. Seulement, comme on est poli à des gens, ben on a tendance plutôt à aller vers le froid si on est froid ou le chaud si on est chaud. Puis c'est là qu'on fait une erreur. Mais pas nécessairement, on doit être capable d'aller à tout le monde. Entre un couple, c'est normal qu'il y ait une polarité, mais entre les hommes, les gens qui sont d'un acabit devraient pouvoir rencontrer l'autre s'ils sont dans l'intelligence. Ils disent que c'est bien important, ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire ce qu'on a à faire. Tant on ne pourra pas avancer tant qu'on ne fera pas ça. Parce que tous les liens doivent être faits. Tous les liens doivent être faits. Tous les liens. Mais après, c'est pas que je veux. Des fois, lui est chaud. Il y a beaucoup à prendre ce qu'on fait, mais c'est non. On n'a rien à apprendre d'une autre personne. Hey, je vais en parler de ça, je vais revenir, parce que tu viens de faire un point qui est bien important. On n'a rien à apprendre. Ça, c'est bien subtil. C'est une autre forme maudite. Moi, c'est quand les gens me disent, j'apprends beaucoup de choses de mes enfants. On n'a rien à apprendre de nos enfants. Nos enfants sont inconscients. Si on apprend de nos enfants, c'est parce qu'on les regarde en relation avec notre ego. Si on regarde nos enfants en relation avec l'intelligence, on n'a rien à apprendre de nos enfants. Moi, j'ai rien à apprendre de ma fille.

mais c'est pas un cadeau. C'est un cadeau si t'es capable de le prendre, mais si t'es pas capable, t'es pas un cadeau. Automatiquement, t'es rejeté. Un homme qui n'est pas dans l'intelligence ne pourra jamais rentrer dans une société occulte, dirigée par l'intelligence et les gouvernements invisibles. Il sera automatiquement mis à part par lui-même, sans aucun effort de personne. C'est une loi vibratoire, je la connais, cette loi-là. Tu peux pas forcer l'intelligence. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer un homme. J'ai dit, je pourrais pas rencontrer cet homme-là parce que demain matin, donc, j'ai dit, je pourrais pas rencontrer cet homme-là. Ça, c'est ce que je recevais de l'intelligence. Puis l'autre, il me dit, oui, tu vas le rencontrer. Il prend l'avion, il s'en vient. J'ai dit, je pourrais pas le rencontrer. L'autre, il continue, s'en vient. À 3 heures du matin, j'ai été frappé, puis j'ai perdu la vue. Je n'ai pas rencontré cet homme. L'intelligence, c'est ça. Comme ça que ça marche. Quand tu dis que tu ne rencontres pas cet homme-là, quand même, toutes les conditions apparaissent comme favorables à la rencontre, c'est final. Ils m'ont rendu aveugle pendant 3 jours de temps. C'est ça, je vais essayer de vous expliquer tous les aspects possibles et imaginables de la conscience de l'intelligence, de la psychologie de l'intelligence. Pour que vous compreniez avec les faits que c'est dans l'intelligence que l'homme de demain pourra se construire un environnement matériel qui le protégera contre les événements de la fin du cycle et qui lui permettra de vivre une vie sur la Terre qui se passe n'importe quoi en toute sécurité avant de passer à l'autre. C'est ça que je veux vous dire. Sur vos sentiments, tout ce qui est astral en vous sera toujours mis en échec, qu'en échec. Ceux qui pourront passer par toutes ces étapes d'échec. Rentrons automatiquement dans les trucs. Ils n'auront pas de choix. Ils disent d'essayer de comprendre les nuances de tout ce que je dis pendant tout le temps que je vais parler, parce que tout ce que je dis dans tout le temps que je vais parler a de l'importance. Même si vous ne comprenez pas de suite, vous allez comprendre là. Même quand je parle du vêtement. Parce que quand je parle du vêtement, vous ne savez pas pourquoi que je parle du vêtement. Moi, je sais pourquoi que je parle du vêtement. Parce que vous autres, quand je parle du vêtement, vous pensez tout de suite, c'est pas tout de suite, que je pense c'est demain, tout à l'heure. Demain, tout à l'heure. Il n'y a rien qui m'empêche ça dans 10 ans, moi, d'aller te voir et dire, viens-t'en, prends l'avion, on va rencontrer un ambassadeur à la famille. Il m'est établi, merci. C'est comme ça que je parle. C'est pour ça qu'ils disent que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pas demain. C'est assez. Bonsoir.